veux faire ma vie autour du mélange interethnique, de la mixité, de l'éthique et de l'union sans polémique. Mélanger les couleurs, le vocabulaire et les mœurs, mélanger les coutumes, les codes et les valeurs, mixer les éducations et faire des concessions pour une entre-deux culture, double culture à l'unisson. Ce qui était paysan, c'est quand ça parle toutes les langues. Ferme les yeux, j'y comprends rien, mais non, genre demande parfois rester dans le tram jusqu'à savoir quelle langue ça parle. Bien sûr, je viens le Walkman pour un voyage continental, parce que brasser les cultures, c'est une richesse universelle, passionnante, enrichissante, et ça, c'est bien réel. Imagine ce qu'on peut faire si t'as pas peur de l'étranger, mais n'importe quoi, de toute façon, toi, te fais flipper. Mais qui t'a dit qu'en France, on a la science infuse? Toi, tu récuses, mais t'en abuses, Sistra. Moi, j'accuse, si tu veux te marier, t'as intérêt qu'il soit français, sinon on va te dire que méfier de ton fiancé a abusé qu'une fois épousé. Au bled, il va retourner, moi, je suis ni conne ni naïve, ma sœur, faut leur prouver. La xénophobie englobe tout racisme, extrémisme, c'est ce qui nous divise. Mais toi, t'en fais un prisme, tu déformes la réalité de par tes préjugés. Et en plus, ça a eu de l'influence sur le monde entier. Moi, j'adore le français, si tu veux, je te l'apprendrai. Je suis patiente, oui, oui, je t'aiderai à t'intégrer. Je comprends pas les anti-noirs, pas plus que les anti-blancs. Et je crois que ça, ça se passe d'arguments. C'est dans les campagnes que ça bosse le plus pour le FN. Trop peur que ça arrive chez eux, les médias créent la haine. Toi-même, tu sais, oui, oui, on préfère les étrangers. Les gens qui ont voyagé, c'est la plus grande richesse qu'on ait portée. Des gosses bilingues, hindous, le culture des phases de dingue que seuls les parents peuvent percuter. Ça me libère, oh oui, ça me rassure bien plus que tous les livres, toutes les musiques, toutes les peintures. Une unité sur terre, non, non, pour plus de guerre, chacun se trouve des adversaires et la tolérance en terre. Tout le monde se tape dessus, juge, personne se comprend, je trouve ça injuste, absurde, non, personne s'entend, juste élevé différemment, dans un décor différent, pas de quoi se maltraiter, mais flipper ce qui nous attend, des êtres incultes. Incapable à prendre du recul, installé dans notre bien-être, insultant toutes les espèces. Du dégoût, c'est ce que j'ai, la déception, c'est ce que j'ai. Du dégoût, c'est ce que j'ai, la déception, c'est ce que j'ai. Je voudrais t'en faire des kilomètres, mais le sujet millénaire, la mixité, son contraire, l'unité, son adversaire. Toi, Sistra, qui voit le monde à l'unisson, unicolore. Toi qui percute pas du tout la vie quand tu sors dehors. Toi, Sistra, qui est qu'un facho borné, trop entravé. Toi qui fais confiance aux borgnes, aux uniformes armés. Toi, Sistra, qui crée la haine, connard, et nous divise. Toi qui vote pour le FN, connard, et nous méprise. Toi, Sistra, tu veux vraiment, vraiment qu'on en discute. Toi qui crois que nos vies sont sans sens et sans but. Toi, Sistra, je te déteste, t'es le pire dans tout ça. Pour toi, j'ai même pas de haine, non, je veux pas être comme toi. Toi, Sistra, en fait, on est juste hyper indifférent. Mais jamais de ma vie, je te présenterai à mes enfants. Je pose pour smoke xénophobie, smoke j'aimerais tant qu'on oublie. Mais lieu de ça, dans les mœurs, il s'inscrit. L'être humain a toujours eu peur de ce qui est pas comme lui. Moi, je dis simplement, intéresse-toi à autrui. Je viens de parler de cette haine plus grande que tout, celle qui fait que ce monde se barre en lieu coup, celle qui met le monde à genoux, celle qui met à bout, car présente partout cette haine qui affecte sur cette feuille une larme à l'écou. Moi je crois en aucun dieu, je me revendique même pas athée. Je pense que s'ils nous voient et nous laissent dans cette merde, c'est vraiment abusé. Mais je respecte toutes les façons de penser, surtout si ça te permet d'avancer, si ça te permet de pas te paumer. Mais j'oublie pas aussi qu'il y a trop de guerre à cause de ça, à cause de noms différents, Moïse, Jésus, Dieu ou Allah. C'est pour ça que ce thème dans mon couplet prend de la ce plat, parce que moi je m'en bats de ce en quoi tu crois. Je m'en bats que tu sois plus grand ou plus petit que moi, plus gros ou plus maigre. Respecte tous les gens autour de toi, je crois que la différence est notre plus grande richesse. Mais je flippe de voir qu'elle tend à devenir notre plus grande faiblesse, tout sculpté dans un centre de fitness. Si tu sors de la normale, de côté on te laisse. Si tu préfères pas avoir d'adresse, être voyageur, on t'insultera de sauvage, de voleur. Dédicace aux manouches qui au moins n'oublient pas les leurs à cette heure. Moi j'ai peur qu'on oublie nos passés, qu'on oublie nos anciens et toutes leurs erreurs. Je veux pas d'une discrimination positive, moi je veux qu'on se mélange de façon instinctive, qu'on ait les mêmes chances, peu importe le pays où l'on vive. Je sais que c'est utopique, mais je m'en fous, moi c'est l'espoir que je vise. Je viens de donner une vision sans couleur, sans goût ni odeur, sans aucun jugement de valeur. Pour les miens, les tiens et les leurs. Toi, Sistra, qui voit le monde à l'unisson, unicolore. Toi qui percute pas du tout la vie quand tu sors dehors. Toi, Sistra, qui est qu'un facho borné, trop entravé. Toi qui fais confiance aux borgnes, aux uniformes armés. Toi, Sistra, qui crée la haine, connard, et nous divise. Toi qui vote pour le FN, connard, et nous méprise. Toi, Sistra, tu veux vraiment, vraiment qu'on en discute. Toi qui crois que nos vies sont sans sens et sans but. Toi, Sistra, je te déteste, t'es le pire dans tout ça. Pour toi, j'ai même pas de haine, non, je veux pas être comme toi. Toi, Sistra, en fait, on est juste hyper indifférent. Mais jamais de ma vie, je te présenterai à mes enfants.